Oui, c'est Rock de Neurones, même en cette journée de congé de l'Action de grâce. Nous sommes au poste, fidèles, pour 2 heures de bon rock progressif. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley. Et aujourd'hui, à l'émission, bien, il y a beaucoup de nouveautés. Sur les 9 albums que je propose, il y en a 8 qui sont des nouveautés. Donc, c'est un automne très chargé et encore beaucoup de choses qui s'en viennent. Et aujourd'hui, bien, on va passer à travers, par exemple, Opeth de Suède, Pattern Seeking Animals des États-Unis, Nal Sylvan de Suède, Satellite de Pologne. Dans ce cas-ci, ce n'est pas une nouveauté, ça date de 2007, alors c'est l'album Into the Night qu'on va explorer. On a Capricars Constant aussi d'Angleterre, une nouveauté du Brésil, quoique ça date quand même de plusieurs semaines maintenant, Stratus Luna. On a la nouveauté de Klepsydra, ce groupe qui nous a faussé compagnie pendant plusieurs années, là, ce groupe de Suisse. On a Claudio Simonetti's Goblin d'Italie et on va conclure avec Fearful Symmetry. Ça, c'est un groupe multinational. Alors, comme à l'habitude, le premier bloc est consacré à un album qui se démarque. Et cette semaine, on est gâté. C'est le 13e album d'Opeth, ce groupe suédois qui existe quand même depuis 25 ans. Il nous propose son 13e album Encoda Venenum. Selon moi, c'est le meilleur album du groupe. Et j'irais même jusqu'à dire que c'est un des meilleurs de cette année 2019. Alors, l'album contient 10 pièces. Pour un total de 67 minutes. Et moi, je vous en propose 4 pour 25 minutes. Alors, on y va tout de suite. Alors, Opeth et 4 extraits de Encoda Venenum. Thank you. om man slutar tänka, då blir man död. Ska Lämnar han. Alors, c'était le fameux groupe suédois Opeth et quatre chansons extraites de leur plus récent album In Coda Venenum. Et les chansons que vous avez entendues étaient en suédois. Sachez que l'album vient avec un autre CD. Cette fois-là, c'est chanté en anglais. Personnellement, je préfère la version suédoise. C'est comme si on ajoutait un instrument additionnel. C'est le cas aussi, par exemple, quand il s'agit de l'ukrainien ou du finlandais. Mais ceux qui suivent l'émission depuis un petit bout savent que moi, personnellement, ben, c'est l'italien. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, pour débuter ce deuxième bloc, on ira du côté des États-Unis avec le groupe Pattern Seeking Animals. En fait, c'est le projet parallèle de quelques musiciens de la formation Spock's Beard, qu'on connaît bien ici à l'émission. Et Pattern Seeking Animals, ben, c'est un premier album. Et on va entendre un extrait qui s'intitule Stars Along the Way. L'album, je rappelle, qui est un album homonyme, Pattern Seeking Animals. Ça sera suivi de Nad Sylvan. Nad Sylvan, qui est un chanteur suédois qui auparavant agissait dans la formation Unifone. Et lorsqu'il a quitté Unifone, ben, c'est pour se joindre à Steve Hackett pour les multitudes de tournées que Steve Hackett fait. Là, il est venu à Montréal et à Québec récemment. Puis on a vu les accointances de Dan Sylvan avec Peter Gabriel sont évidentes. Alors, ça paraît sur la prochaine pièce que vous allez entendre aussi. C'est Wooha, tiré de The Regal Bastard. Et en conclusion du blog, ben moi, c'est un de mes groupes préférés de Pologne, Satellite. C'est le groupe qui a survécu au démantèlement de Collage. Alors, Satellite, qui ont 4 albums studio. Moi, je vous propose la pièce Heaven Can Wait. Ça, c'est tiré de Into the Night, paru en 2007. Alors, on débute ça avec Pattern Seeking Animals. Your days. Come mind did try. You could not drink, so you passed it by. And you didn't understand, so you asked God why you're here. Why am I? Then you fell to the bottom from your perch at the top, and you found yourself on the chopping block with your hands bound tight and your head. Without you, as long as I've known, It's always been about to make it on your own, but how's that so? Looking down the years, I see no goal. No. I've always been without you through every single day. Everything's stable, everything's okay, but so mundane. I'm hoping for a break to come my way. Yeah, I'm hoping for a break, oh how I pray. In my eyes, I have lived the perfect life, but I've been waiting, waiting, waiting, waiting. I say, whoa, if you need to let me know, you've been hanging in the wings. I just couldn't tell. If you will, living by my virtues has given me no thrill. I overkill. Things to do, things right, I can't be still. So listen if you will. If you please, I am. If you need. see the rainbow, I see the stars, and I feel it in motion, my children's eyes, smiling so gently, home is so near, so heaven can wait, heaven can wait, heaven can wait, heaven can wait for me. Thank you. so busy with leaves. So hey. Alors, ce qu'on venait d'entendre, c'est la formation polonaise Satellite et on a tiré la pièce Heaven Can Wait. Ça, c'est de l'album Into the Night, paru en 2007. Et auparavant, on avait Nads Sylvan et la pièce Hua, tirée de The Wriggle Bastard. Ça, c'est paru cet automne. Et en début de bloc, nous avions la pièce Stars Along the Way du groupe Pattern Seeking Animals, et c'est tiré de l'album homonyme. Alors, après la pause, Capricars Constant, Stratus Luna et Clepsydra. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, voici donc au troisième bloc de l'émission et on débute ça avec Capricars Constant. C'est un nouveau groupe, en fait, assez récent sur la scène du rock progressif. Il existe depuis 2 ans. C'est leur deuxième album, Depth of Field. Et on a déjà fait jouer une pièce la semaine dernière. On reprend ça cette semaine avec la pièce The Night Watchman. Et ça, c'est un groupe de musiciens qui se fait aussi accompagner par, notamment, entre autres, là, David Jackson, le saxophoniste de Van de Graaff Generator. Ça va être suivi de Stratus Luna. Ça, c'est un nouveau groupe de la scène brésilienne de jeunes musiciens qui ont fait paraître l'album Stratus Luna, donc un album homonyme. Et ça a été très bien reçu par la faune du rock progressif international. Le site Prog Archives leur donne une note. En fait, il y a eu 13 évaluations et ils ont 4.4 sur 5. Alors, pour un nouveau groupe avec un premier album, là, c'est, appelons ça, réussi. Et après 16 ou 18 ans d'absence, là, je veux juste vérifier, en fait, 18 ans d'absence, c'est le groupe Clepsydra de la Suisse qui s'est fait beaucoup attendre et ils viennent ils nous proposent un nouvel album qui s'intitule The Gap et moi je propose le titre Millennium. Alors on débute ça avec Capricars Constant. Thank you. night watchman calls. Though daylight fails, I follow your shadow across graffitied walls, where the black-lipped kiss of night says we turn in circles around the sun and take no blame for the evil we've done. As darkness falls, the night watchman calls. The night watchman calls. In a moonless night, your sleep is uneasy, all wisdom stalls. Angry words of a gentleman tell me. Circles around the sun and take no blame for the evil we've done. As darkness falls, the night watchman calls. Soft words spoken, we borrow from you and return it. Watching a soul twist his neck until he falls. Darkness falls.

picture your destiny, the reason for the bad. Sometimes you lose your brain, you flew with the breakfast, polished and clear. But pick up your tears from the ground. You are walking in the snow. Sometimes it hurts. It's only your brain. So worry it hurts, but it's only the brain. The millennium is here, strong and sound. The game is suffering on solid ground. So late, the mark so great, I offer a new sound, a promise for a better place. I thought it's just another part. The millennium has just begun once more. Suffering the game, somewhere it drains the pain. Alors, c'était de la Suisse, le groupe Clepsydra, et ça a été précédé de Stratus Luna du Brésil avec la pièce Zarabatana, ça c'est tiré de l'album homonyme. Et en début de bloc, nous avions la formation britannique Capricars Constant et la pièce The Night Watchman tirée de The Depth of Field. Alors, après la pause, Claudio Simonetti d'Italie et Fearful Symmetry d'Angleterre. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on y va du côté de l'Italie avec Goblin. En fait, c'est Claudio Simonetti's Goblin. Alors, c'est lui qui est probablement le propriétaire du nom parce que Goblin, ça a eu plusieurs versions. La version récente, là, de l'album qui vient de sortir, qui s'intitule « The Devil is Back », ben, c'est Claudio Simonetti's de Goblin avec d'autres musiciens. Et on entendra deux pièces. La première, c'est « Saint-Ange » et l'autre « Revenge ». Et en fin de bloc, ben, pour conclure l'émission, on va avoir « Fearful Symmetry », un groupe nouveauté, ça, c'est d'Angleterre. Alors, c'est deux musiciens qui se font accompagner de plusieurs autres. Et c'est un genre de comment je dirais ça, de conglomérat ou de commune musicale. Alors, ça, c'est nouveau, encore une fois. Et en tout cas, pour conclure, on va débuter avec Claudio Simonetti. Thank you. Hard.